Passedoué, qui est maire du 13e, m'a caché 3 jours. Le 3e jour, j'ai pris son rasoir, travaillé ma barbe, coupé les favoris, gardé les moustaches, et je suis sorti pour me rendre chez un ami qui ne fait pas de politique. Au bout d'une semaine, je suis retourné à la corderie. Elle est devenue un forum, cette corderie. Elle arme la révolution. Elle rédige les cahiers de l'insurrection future. Elle serait capable de sauver la patrie. Elle m'a sauvé l'honneur, il n'y a pas longtemps. Un officier m'aborde. On prétend que vous étiez d'accord avec l'Empire dans votre campagne électorale contre Jules Simon. Soyez calme, dit Blanqui, chez lequel j'ai couru, et ne cassez rien. C'est votre popularité qui commence. Les 80 sont convoqués pour demain. La salle est pleine. J'ai la parole. J'ai compté tout, depuis A jusqu'à Z. Comment un comité est venu me prendre? On m'a mis l'épée dans les reins. On m'a répété sur tous les tons que moi, l'historien futur des héros de juin, je devais représenter ces vaincus contre des républicains qui les maudirent et redresser devant eux le cadavre mutilé de la guerre sociale. J'ai accepté. Un homme est venu qui a offert des dés pour les affiches, m'a répondu le comité. Vous êtes juge, ai-je conclu. S'il était payé par l'Empire, pourtant. Dans quel but? Nous ne faisons pas la campagne pour vaincre, numériquement. Nous étions sûrs d'une honteuse défaite. 500 voix. Les aurait-on seulement, ces 500 voix? On les a eues. Mais est-ce que c'était cette misère qui pouvait empêcher Simon de passer? Oh, je sais bien que vous allez m'acquitter. Seulement, je n'en garderai pas moins dans le cœur la honte de l'accusation. Ils ne m'ont pas laissé achever. N'importe, il se trouvera bien dans l'avenir quelques misérables pour ramasser cette ordure dans la boue et la rejeter contre moi le jour où je serai désarmé par la défaite, la proscription ou la mort. 23 février 71. Allons, je me trompais quand je croyais que ceux de l'hôtel de ville n'oseraient point nous poursuivre. Ils l'ont osé. Le 31 octobre passera devant un tribunal de soldats. Les officiers d'une armée prisonnière jugeront des hommes libres. Ils vont juger encore un morceau de papier. Cela s'appelait l'affiche rouge, collée sur les murs au moment où le pain manquait et où pleuvaient les bombes. La corderie, l'assassin du 5 janvier, nous avait désignés pour servir d'interprète à la pensée commune. Une proclamation qui, si elle était admise par l'Assemblée, devait avoir l'honneur d'être placardée la nuit suivante dans tous les faubourgs de Paris. La besogne fut enfin aux 3/4 achevée. Il était 5 heures du matin. La proclamation, rédigée par la délégation des 20 arrondissements et appelant à l'attaque en masse, se terminait ainsi. Place au peuple, place à la commune. C'est cette proclamation-là qu'ils vont poursuivre. Ce n'était pas un appel à la rébellion, pourtant. C'était un cri échappé à des cœurs en fièvre et moins un cri d'indignation qu'un cri de désespoir. Ils se souviennent de ce placard à l'hôtel de ville. Il a pourtant passé sous les ponts depuis ce temps la fange de la capitulation et le sang du 22 janvier où moururent tant d'innocents.